Gigi. I follow you. Alors, you play this. En fait, il est français, Gigi. Tu jouais ça? Vas-y, fais ce que tu veux, je te suis. Cool, ça. Changer de batterie. Thank you. Yo. Good night. Thank you. Thank you.